Machine que je viens de gagner. Si les rouages ne couinent pas, ce sera parfait. Avec cette machine, si le temps le permet, j'aurai du linge clean, des vestons pas fripés. Nous irons sur le yacht de notre ami Bolloré. Vacances de grand standing, un cadeau bien mérité. Oh, la belle machine que je viens d'épouser, sur un air, une comptine, un refrain, un couplet. Avec cette machine, je saurai m'aliéner. Les people magazine, les ragots, les billets. Nous ferons du jogging sur les marches du palais. Nous penserons par la Chine en leur parlant du Tibet. Nous irons sur la lune, planter le drapeau français. Tu chanteras sur la lune avec l'ami Hallyday. Grâce à notre postérité.